demander l'Esprit de Dieu, l'assistance, que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste du début de ce que jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, vers le ciel. Yeah. Je sais que chaque personne d'entre nous a un problème. Mina jo yakusema wakati tunaacha manyumba yetu shikote tunakuwa kujiunir paifashi. Bien sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Alors je veux vous prier encore une fois que chaque, tout à chacun d'entre nous monte haute à exposer mambo yake devant le Seigneur. Quand tu es venu, je ne sais pas ton problème. C'est la maternité, je ne sais pas. Tu as un problème avec ta maternité, je ne sais pas. Les enfants, je ne sais pas. Peut-être que tu es en train de chercher le travail. Tout un chacun de nous ici est pour la mambo yake. Alors en ce moment, je nous prie tous si nous pouvons nous lever. Quand on a besoin de chimamia loyulu, Dieu a coopé à comme Aïcha et tout. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Ensemble, si nous pouvons nous tenir debout. Et nous allons élever nos voix. Nous allons adresser ce parole, nos problèmes que nous avons. Car la Bible nous dit dans Matthieu, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alors ce matin, je te prie, le vrai repos nous vient de l'Éternel. Le vrai repos nous vient de l'Éternel. Alors on va prendre ton problème. Tu as le pouvoir d'adresser ce parole au Seigneur et vite minamouka. Tu as ce pouvoir de confesser la guérison devant le Seigneur. Na il est malade, il voit incurable munyumba yako ina kamani mutoto kamani baba kamani mama na pona. Alors tous ensemble nous allons élever nos voix. Là il s'agit de ta vie, rien que de ta vie. Donc je vous prie tous ensemble. Prenez ma pardon et mieux de mon ripoua naïo pour présenter la boucle. Nous vous tournez au boucle parce que hier, toi, c'est tout parti à repos. Le repos nous vient de l'Éternel. Est-ce que tous ensemble nous pouvons élever nos voix et prier? Est-ce que nous pouvons prier pour nos vies? Est-ce que nous pouvons prier pour nos vies? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour prier? Polele Basala kinyoso Boba kotisa Momo inanga ina molili Molimo azongisi Elikana motema Loye moya Oba kotisa bomo inanga ina polele Molimo azongisi Elikana motema Loyembo ya sika na bomo konanga Yawa yoza Nako bagelo kote Alléluia. losambo nangai pekolela nangai Yesu kolela nangai zaya pasi te Jesu bolingo na yo etondi motema maya miso nangai zako zanga te papa wanyi bolingo na Yesu etondi motema yango na chemba pasi pembeni o na chemi nyoko pembeni na lingi na kumisa nzambe ya biblia kwete soki ngai na boyi koyemba ata soki ngai na yembi yesu afandi na kiti na ye kino libela yoza nzambe papa yoza nzambe Jean a vu un homme pas comme tous les hommes l'homme avec la face comme celle du fils de l'homme il n'a pas cité prophète même pas cité Bouddha loin de la Mahomet il a cité un homme cet homme qu'il a cité il a l'incité l'éternel la parole infaillible le créateur incréé l'homme qu'il a cité il a le petit bélier qu'Abraham avait tué pour sauver Isaac à la croix au milieu des voleurs mon Jésus s'est distingué au mont Carmel Élie est le prophète de Baal mon Jésus s'est distingué à l'Icassi la église est source féconde mon Jésus s'est distingué Est-ce que Koki Kobeta Mololo Nzamba s'est distingué dans la carte à vie Nayo? Iaoulongi Biantumbo! Eyo yo yo! Iaoulongi Biantumbo! Iaoulongi Biantumbo! Les Awaji Jinaja Mujilo! Iaoulongi Biantumbo! Abeleza wa Eli Eyo yo yo Iya ulonge biantumbo Abeleza wa Danieli Eyo yo yo Iya ulonge biantumbo Abeleza wa Susefe Konde Eyo yo yo Iya ulonge biantumbo Abeleza wa Desire Mbai Eyo yo yo yo ulonge biantumbo Hey au kola lele lele awe tule sau kola lele lele Leza waju jina jamujilo wajajika ilonda lesa mukomkomo mubya kulonga Jezi wanye wamakasa amujilo Leza wameso alubimbi lesa mukomkomo mubya kulonga Papa wanye Wapoko Mulopwe wetu Tube kufrija jalelo Toke, toke, toke, toke Tota tuenda tusha Tota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tutota tuenda tusha Tuenda tuenda tusha Tuenda tutota tuenda Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Majakai Cheza Cheza Cheza Cheza Cheza Cheza Cheza Cheza Tu n'es plus dans la crise Toi tu es en Christ Ne t'occupe pas d'y passer Sinon tu seras dépassé Attache-toi aux promesses Tu seras dans l'allégresse et loin de toi la paresse. Tu seras béni jusqu'à ta vieillesse. Si Jésus est vivant, il s'élèvera la dernière. les ennemis de ta vie, ils changeront ta vie. Tala, toi tu n'es plus ce que les sorciers disent que tu es, mais toi tu es ce que Dieu dit que tu es. Ta destinée n'est pas dans les mains des Congolais, je le dis. Ta destinée est dans les mains de l'Éternel. Ce qui est signé pour cette année est déjà signé. Ce qui est scellé pour ton mariage est déjà scellé. Ce qui est signé pour ton travail est déjà signé. Ce qui est scellé pour tes enfants est déjà scellé. Et ta molole t'a pas signé le souci. Yoka. Tikanga ina ya biso maloba umatema nanga elati mpona kokumisa yo eye Shiro Sakina bandi koko mama kasanyo somo jile kosi lankolo posa lezebele Shiro Shiro Yo pula mamingi bazalaka na pulu talandele loba koma masalina yo eye Shiro Shiro Bikash. Des ennemis, je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis, je suis sauvé. Yawa longo lingana boloko, banguna langa nakenanga. Yawa longo lingana boloko, ya monguna langa nakenanga. Yerushalem. Yerushalema, Yerushalema, Yerushalema, Yerushalema, Maranatha, Jésus vient bientôt, mukalenga tujanu bakuinjila we, toke Maranatha. Toke igwe, igwe, igwe, igwe, igwe, toke igwe, igwe, igwe, igwe, toke igwe, igwe, igwe, igwe, toke igwe. Dieu cherche le vrai. adore. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je te prie ce matin, avec un cœur sincère, si tu peux t'approcher devant le roi de rois, lui dire de mon amour, lui dire combien est-ce qu'il est grand dans ta vie, lui dire combien est-ce qu'il est magnifique dans ta vie. Est-ce que tu peux prendre la position qui te veut? Tu peux prendre la position que tu veux, afin d'élever le roi de rois, afin d'élever le Dieu que nous sommes venus chercher ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Me voici, Seigneur Dieu de gloire, au devant de ton trône de grâce. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, ce matin confesser que tu es Dieu. Je viens ce matin, Seigneur Dieu de gloire, confesser que tu es grand. Mon âme te bénit, Seigneur Dieu de gloire, mon cœur t'adore ce matin, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu capable. À qui pourrais-je te comparer ce matin, Seigneur? À quoi pourrais-je te comparer ce matin, Seigneur Dieu de gloire? Mon âme te bénit ce matin, toi qui es le Dieu de ma vie, toi qui es le Dieu de mon salut. Me voici, Seigneur Dieu de gloire, au devant de ton trône de grâce. Je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Je viens confesser que tu es un Dieu capable. Mon Dieu, mon roi, je te bénis ce matin. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois élevé, Adonai. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu de ma vie. Et qui pourrait te comparer ce matin? Alléluia. Alléluia. Yahweh, Oh. venir comme un seul homme devant ton trône de grâce. Nous venons te rendre gloire et honneur. Toi qui es digne d'être élevé. Toi qui es digne d'être acclamé. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta présence en ces lieux, Seigneur Jésus. Nous te recommandons, Seigneur Dieu de gloire, le reste de ce qui prend entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu viennes nous assister. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Nous voilà, Seigneur Dieu de gloire, comme un seul homme. Nous venons t'acclamer. Nous venons te pousser des cris de joie. Nous venons te dire combien est-ce que tu es grand. Nous venons te dire, Seigneur Dieu de gloire, que tu es un Dieu merveilleux. Ensemble, nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, éternel Dieu des grâces, pour ta présence, au nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À présent, je vais inviter papa pour le reste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa présence au milieu de nous. Et nous bénissons le travail du Saint-Esprit. Et je pense que ce que nous faisons, c'est une première à la source féconde. Et que même le dimanche, que nous puissions donner la parole à nos sœurs pour faire un bon travail. Et cela est vraiment biblique. Et j'aimerais que nous puissions nous habituer petit à petit. Parce que ce sont des partenaires dans le ministère. Mettez-moi un peu Luc chapitre 2, versets 36 à 38, si je ne me trompe pas. J'espère que la technique est avec moi, merci beaucoup. La Bible dit, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Donc, Anne, fille prophétesse. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 70 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset suivant, oui merci. Restée veuve et âgée de 84 ans. Donc elle était veuve 14 ans de veuvage. Écoutez bien, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dans le temple. Verset suivant. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc c'est le jour où on présentait Jésus-Christ au temple. La Bible nous parle de deux personnes particulières. Siméon, qui a parlé le premier sur Jésus-Christ. Il a prêché. Quand Simon a fini de prêcher, il a donné la parole et il a donné même Jésus-Christ à Anne. Anne aussi a prêché à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël ce jour-là. Elle Voilà, je bénis le Seigneur. Ce sont des choses, nous allons les comprendre au fur et à mesure. Mais je sais que ça va nous aider. Ça brise un peu nos cultures. Dieu n'est pas tel que nous pensons de lui. Dieu, il est ce que lui-même dit qu'il est. Alléluia. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour ce travail. Il a commencé depuis mercredi. Je vais prier pour tous ceux qui ont travaillé ou toutes celles qui ont travaillé après le culte. Et nous sommes dans un culte à l'Éternel. Nous faisons le culte ensemble devant le Seigneur. Alors, je vais vous présenter quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va présenter les autres. Alléluia, passez une journée des mamans. Je vais représenter maman Miki Ndala. Est-ce qu'on peut la recevoir correctement? Ok, c'est la maman présidente de cette paroisse. J'aimerais que vous la considériez en tant que telle. Elle conduit le département des mamans. Si y a un problème des mamans, voyez-la. S'il y a un problème, vous voulez résoudre, voyez-la. Ne vous gênez pas. Elle fait partie du ministère. Et avec elle, elle est accompagnée de très belles dames qui sont assises là-bas. C'est le comité des mamans. Est-ce qu'elles peuvent se lever aussi? Nous voulons les recevoir. Levez-vous tous. Alléluia. Amen. Celui qui donne de la valeur aux enfants, c'est le papa. C'est pourquoi moi, en tant que papa, je vais donner la valeur à mes enfants. Pour qu'elles soient remplies de courage et faire un bon travail. Alléluia. Amen. Puisque ensemble, nous sommes ouvriers avec Dieu sur des âmes. Et chacun répondra devant Dieu par rapport à ce que Dieu lui a demandé de faire. Je vois qu'elles sont toutes en uniforme, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que maman Miki va nous dire un mot. Elles vont s'asseoir. Et j'invite maman Miki. Amen, Église. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a voulu que nous soyons ici aujourd'hui. Nous remercions le pasteur aussi pour la confiance de nous avoir accordé une semaine pleine. En tout cas, papa, nous disons merci. Nous disons merci encore à l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Et nous, précisément, nous disons merci au papa parce que nous savons que c'est difficile de papa de supporter les mamans. En tout cas, que notre Dieu vous bénisse, papa. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos papas? Cette semaine, c'était une semaine dédiée aux mamans. Et ce sont les mamans qui ont travaillé. Mercredi, C'est Maman Maryse qui nous a bénis à travers la parole de Dieu. Elle peut se mettre debout et acclamons pour la gloire de Dieu. Vendredi, c'était Maman Sylvie Kalanga. Nous a bénis aussi. Maman, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Jeudi, le jour de maman, c'est maman Albertine qui nous a enseigné, accompagnée de docteur Lydie. Maman Albertine a reçu votre fondée, j'ai l'issue de qui sont à docteur Lydie. Nous disons vraiment merci. Tu n'as pas quoi qu'elle à santé. Et je voulais vous présenter maintenant l'oratrice du jour. Elle répond au nom de Maman Lydie Kamuzembe. Anaïtua Maman Lydie Kamuzembe. Qui est Maman Lydie? Na Maman Lydie ni nani? Maman Lydie est l'épouse de Papa Patrick Kamuzembe. Nous disons merci en passant. Papa, merci. Elle est mère de quatre enfants, dont deux filles et deux garçons. Ici, il y a l'équilibre. Donc, deux filles et deux garçons. Elle est une femme calme, comme vous la voyez. Elle aime le Seigneur, dévouée au service de Dieu, dynamique en tout ce qu'elle fait. Et nous l'invitons, Église, accueillons Maman sous vos Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ces instants. Que ces instants t'appartiennent. Nous te consacrons ces instants, Père. Yahweh, notre Dieu. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Seigneur? Ce matin, je suis tellement dans la joie. Je suis tellement rempli de la joie. Parce que Yahweh, notre Père, nous a accordé, toi et moi, le souffle de vie. Chaque jour qui passe, il y a un cri. Chaque jour qui passe, il y a un cri. Et ce cri annonce l'arrêt d'une vie. Ce cri annonce la mort de quelqu'un. Mais toi et moi, ce matin, nous faisons partie des vivants. Et la vie n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. C'est pourquoi nous allons acclamer le Seigneur de gloire qui nous a donné la vie, parce qu'il est le Dieu des vivants. Amen. Je remercie également le couple pastoral, le pasteur Désiré Mbaye et sa charmante épouse Maman Elvie, pour la marque de confiance accordée à nous les femmes. Également, je remercie les anciens, les diacres, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui soutiennent la vision de notre Père. Et également, je profite de cette opportunité de remercier le comité des mamans pour ces grands privilèges que vous avez portés à notre égard afin que nous puissions représenter les genres féminins, afin que nous puissions représenter les femmes. Sincèrement, merci. Et à vous tous qui êtes venus en ces lieux, malgré la pluie, vous êtes venus honorer cette convention, qui a été organisée en ces lieux, à l'honneur des mamans, par notre Père. Et vous tous qui nous suivez à la télé, vous tous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, vu que le temps nous est imparti, nous allons faire une prière dans Matthieu 6, de 9 à 13, avec tous les respects que je vous dois, en vos titres et qualités respectifs, je vous prie de vous tenir debout. Et si la technique est prête, nous allons réciter la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la sainte présence de Dieu. Naweza tena kuketi watumishi wa Mungu. Le thème de l'année, China ya mwaka, c'est va. Inasema enda. Avec cette force na hiyo nguvu que tu as. Ile unayo. Et ce grand thème de l'année na hiyo shina mnene ya mwaka, est tiré du livre de Juges. Inatoka mu kitabu kia wa Amzi, chapitre 6, sura yake ya 6, verset 14. Na mustari wake wa 14. L'Éternel se tourna vers lui. Wa milele akamgeukia. Et dit, na akasema, va, enda, avec cette force que tu as. Na nguvu hizi unazo. Et délivre Israël de la main des Madians. Na utaokoa Israeli katika mkono wa Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Sikukutuma. Ce thème, Yoshin, c'est vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Inakuani baraka kutaifa ya Mungu. C'est un thème libérateur. Inakuani shina ya kuweka uru. Ici, on nous relate une histoire. Hapa panatuambia historia moja. Où le peuple d'Israël, ile taifa ya Israeli, traversait des moments très difficiles. Ilikuwa inapitisha nyakati ya magumu sana. Ce peuple était sous l'oppression d'un autre peuple. Hawa wa taifa walikuwa wanateswa na kuwateswa kwa taifa ingine. Les Madianites. Wa Madiani. Et ils ont crié à Dieu. Mungu. Dieu a entendu leur cri. Na Mungu akasikia malalamiko yao. Comme notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Kama vile Mungu wetu anakuwa Mungu wa rehema. Il a décidé aliweza kuchukua mpango de venir vers son peuple ya kukuya tena kutaifa yake et de le sauver. Na kuyaokoa. Bien-aimé dans les seigneurs. Mpendwa katika Bwana. Notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Mungu wetu anakuwa Mungu mwema. Notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. Mungu wetu anakuwa Mungu wa kushangaza. Chaque fois dans ta vie, kila nyakati ndani ya maisha yako, pour différentes raisons, kwa ajili ya masheria ya kwacha, tu te retrouves dans des situations malheureuses. Unakutanishiwa mu hali ya mateso. Ne te gêne pas de crier à Dieu. Usijizuize kumlalamikia Mungu. Il va entendre. Atasikia. Il va venir. Atakaribia. Il va trouver une solution. Ataleta jibu. Et cette solution, ayodibu, le Seigneur l'a déjà placée en toi. Bwana nesa kuiweka ndani yako. C'est pourquoi il a dit à cet homme de Gédéon, que la force est en toi. Asema nguvu iko ndani yako. Vas-y. Enda. Toi aussi ce matin, il y a quelque chose en toi. Una kitu ndani mwako. Solution jibu à ton problème. Ya mambo yako. Amen. Amen. Maintenant, le peuple d'Israël sasa wa taifa ya Israeli était dans une confusion. Barikuwa katika mvuruko. Et Dieu cherche toujours un homme. Na mutu akatafuta mutu. Et la grâce a porté sur Gideon. Na neema ikaenda kuangukia kwa Gideoni. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. C'est à ce moment que le ciel a décidé ni kwa hiyo wakati mbingu libamba mupango de faire une rencontre personnelle. Ya kufanya kukutanishana kwa kipeke. Je le dis très bien. Na yasema vizuri. Ce n'est pas une rencontre communautaire. Haikukua kukutanishana kwa watu wote. C'est une rencontre personnelle. Kukutanishana kwa kipeke. Bien, maman, merci beaucoup. Je vous en prie. Une rencontre ya ou péké. Une rencontre personnelle. Ce matin, le Seigneur de gloire veut faire une rencontre personnelle avec une personne qui est dans la douleur, qui est dans le malheur. Amen. Amina. Et c'est de là où nous avons tiré notre soutien de ce matin. Notre soutien de ce matin, c'est la rencontre personnelle avec avec Dieu, change l'homme. La rencontre personnelle avec Dieu, change l'homme. Et ce sous-thème est tiré toujours dans les livres de Juges. Juges 6, cette fois-ci, du 11e au 13e verset. Mustari wa 11 mpaka 13. Que nous allons lire. Amen. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel. Malaika ya Bwana akakuja. Il s'assit sous les térébintes d'Ofra. Akakaa chini ya mwalo kwa Ofra. Qui appartenait à Joas. Wa Yoasi. De la famille d'Abiezer. Mon Abiezeri. Gédéon son fils. Mwana wake Gideoni battait du froment au pressoir. Alikuwa anapika ngano karibu. Pour le mettre à l'abri des Madians. Kwa ajili ya kuiweka kuificha kwa Madiani. L'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika ya Bwana akamtokea. Et lui dit, akamwambia, l'Éternel est avec toi vaillant héros. Bwana ni pawe nawe mwanaume mshujaa. Gideon lui dit, Gideoni anakamwambia, ah mon Seigneur. Eh Bwana wangu, si l'Éternel est avec nous, kama Bwana ni pamoja nasi. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Kwa nini Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Ça, c'est le récit de notre sous-thème. Ici, nous voyons Gédéon faire une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel a décidé de rencontrer Gédéon. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que vous devez retenir, que généralement, généralement, Dieu décide de rencontrer les hommes et de se révéler à eux dans les temps de profond désespoir, dans les temps de grande perte et dans les temps de vide. Bien-aimé dans les seigneurs, j'annonce à quelqu'un ce matin qui passe dans des temps de grand désespoir, qui passe dans des temps de grande perte, qui passe dans des temps de vide, une saison de la rencontre divine. C'est dans ce moment-là, quand tu es tellement désespéré, c'est dans ce moment-là où tu es tellement perdu que le Seigneur décide de faire une rencontre avec toi. Ce n'est pas parce que tu as tout perdu que tu as perdu Dieu. Ce n'est pas parce que tu as tout perdu que tu as perdu Dieu. Malgré que le désastre est passé sur ta vie, mais Dieu, lui, il est là. Amen. Amen. La présence de Dieu est au-dessus de toute situation qui peut arriver. Est au-dessus de toute destruction. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu est pleine de puissance, est pleine de solutions. C'est pourquoi ce matin, j'exhorte quelqu'un de désirer de rencontrer le Seigneur personnellement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Amen. Amen. Amen. Le sous-thème de ce matin est subdivisé en trois points. Le premier point, va traiter la définition de la rencontre divine. C'est quoi une rencontre divine? Le deuxième point va ressortir quelques fondements sur la rencontre. Et enfin, le troisième point, là nous allons parler de l'impact de la rencontre divine. Alléluia. Amen. Nous allons commencer directement par le premier point. C'est quoi une rencontre divine? Selon les dictionnaires français, la rencontre divine, c'est la visitation divine. La rencontre divine, c'est une réunion entre Dieu et l'humain. La rencontre divine, c'est lorsque le divin et l'humain se retrouvent en un lieu précis afin de traiter certains détails. Et dans le cadre de notre sous-thème, nous voyons cela dans Juges 6, verset 11. Nous voyons ici l'ange de l'Éternel a rencontré Gédéon sous les térébintes. Térébintes, c'est un arbre. Il est moi le nakuya ni muti. Et dans Jean 4, verset 7, ici nous voyons Jésus-Christ lui-même a rencontré la femme samaritaine au puits. Alléluia. Amen. Le deuxième point, donc, t'as appelé, dit, quelques fondements sur la rencontre en général. Misingi ya kukutana kwa biote. Tout ce que tu dois retenir ce matin, bile biote unapasa kuchukua asubuhi ya leo, que chaque rencontre que tu vas effectuer dans ta vie ya kusema kila makutano yote utafanya mu maisha yako a toujours un lieu. Inakuwa tu na fazi. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin chukwamana tulikaribia asubuhi ya leo à la rencontre du Seigneur kukutana na Bwana dans l'église sous seconde. Ndani ya kanisa ya Temtem la uzao. Deuxième fondement, msingi ya pili, il existe des bonnes et de mauvaises rencontres. Là, nous pouvons le voir dans Genèse 41, verset 41. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Joseph a rencontré Pharaon. Ça, c'est une bonne rencontre. Quand Joseph a rencontré Pharaon, sa vie a complètement changé dans le sens positif. Mais quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 13, la parole de Dieu déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne dois pas permettre n'importe quelle rencontre d'affecter ta vie. Tu dois avoir le sens de discernement parce que ta vie en dépend. Troisième fondement, toute rencontre a toujours un impact. Soit dans le présent, sasa kwa sasa, soit dans l'avenir. Ao kwa maisha yatakayokuja. Amen. Amen. Et dernier fondement, na nukta ya mwisho, la rencontre se fera toujours entre deux ou plusieurs personnes. Hiyo mapatanisho tafanika paka katika watu wawili au watu wa mingi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Eti kuna kwa mtu anakuya ndani ya furaha. Est-ce que quelqu'un veut faire une rencontre personnelle avec le Seigneur? Tafanya mapatano ya kipekee pamoja na Bwana. Merci, merci. Asante, asante. Maintenant nous allons toucher au dernier point. Sasa tutagusa ku nukta ya mwisho. L'impact de la rencontre avec Dieu. Mafanikio ya kukutana na Mungu. L'impact de la rencontre avec Dieu. Mafanikio ya kukutana na Mungu. Le premier impact. Mafanikio ya kwanza. Quand Dieu vient rencontrer une personne, wakati Mungu anakuja kukutana na mtu, il lui accorde la révélation de son identité céleste. Anampa ufunuo ya kitambulisho yake ya kimbingu. Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, chaque personne sous cette terre, kila mtu hapa ulimwenguni, doit être conscient de deux identités. Anapaswa kuwa na ile samili ya ile kitambulisho. Une identité terrestre, kitambulisho cha ulimwenguni, et une identité céleste. Na kitambulisho tena cha mbinguni. Dans le cas de Gédéon, Gideon. Gideon était le fils de Joas. Gideon alikuwa mwana wa Yoasi. Ça c'est l'identité terrestre. Inakuwa ni kitambulisho kya la famille d'Abiezer. Mujamaa ya Abiezer. De la tribu de Manassé. Kabila ya Manassé. Qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Anakuwa katika makabila 10 ya Israël. Israël lui-même c'est Jacob. Israël yepeke ni Yakobo. Qui est le fils d'Isaac. Anakuwa mwana wa Isaka. Isaac le fils d'Abraham. Isaac anakuwa mwana wa Ibrahimu. Et Abraham il est le père de tous les croyants. Na Ibrahimu ni baba wa Amen. Amen. Mais quand l'ange l'a rencontré, wakati malaika alikutana naye, lui a révélé une autre identité. Akamfungulia kitambulisho ingine. Lui a dit l'Éternel est avec toi. Anasema Bwana ni pamoja nawe. Tu es un vaillant héros. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, tu as une autre identité. Peu importe l'identité que tu connais, le ciel révèle aujourd'hui que tu as une identité céleste. Et dans cette identité céleste se cache la solution de ton problème. Dans cette identité céleste se cache la solution à ton malheur. Bien aimé, tu n'es pas venu sous la terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sous la terre pour accompagner les autres, parce que le Seigneur connaît ton identité. Et ce matin le Seigneur va te révéler ton identité. Alléluia. Amen. Non seulement tu auras la révélation de ton identité céleste, tu auras aussi la révélation de ton potentiel. Tout au long de cette année jusqu'à ce jour, on nous a parlé du potentiel. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est une énergie non exploitée. C'est un talent que tu gardes en toi. C'est un don que tu caches en toi. Peut-être que tu ne connais même pas. Mais grâce à la rencontre divine, le Seigneur va révéler ses potentiels qui sont en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sûr d'une chose, que tu n'es pas né vide. En toi, il y a des richesses. C'est pourquoi je profite de cette opportunité pour t'informer une chose, que les endroits les plus riches sur la terre, ce ne sont pas les mines d'or, ce ne sont pas les mines de diamants, ce ne sont pas les carrières là où il y a des minéraux, mais les endroits les plus riches sur la terre, ce sont les cimetières, là où il y a des livres non écrits enfouis dans les cadavres, là où il y a des chansons non encore chantées enfouis dans les cadavres, là où il y a des prédications non prêchées enfouis sous terre, là où il y a des entreprises qui n'ont jamais été bâties enfouis dans les cimetières. Bien aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin, ne va pas enrichir les cimetières. Cette année, notre Père, tu nous donnes l'ordre de libérer le potentiel. Libère le potentiel qui est en toi. Laisse les différentes raisons. Laisse les différentes raisons que tu as. Parce qu'un jour, comme je l'ai dit à l'introduction, il y aura un cri. Kutakuwa kelele, yora de cri, et ce cri, na yoma kelele, c'est la mort de quelqu'un. Ni lufu lwa mutu. Je ne fais pas que tu meurs avec le potentiel qui est en toi. Si pende ukufe na ile mauwezaji, ne va pas enrichir les cimetières de Sapin. Ne va pas enrichir les cimetières de Kasangiri. Toi et moi, grâce à la grande vision de cette année, nous allons retourner à la terre vide. Nous allons retourner à la terre complètement vide. Parce que nous allons prendre la décision ce matin d'exploiter le potentiel que le Seigneur de gloire placé en nous. Tu n'es pas vide. Tu es rempli d'une richesse de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième des choses, quand le Seigneur rencontre une personne, il lui accorde la révélation de sa mission. Pourquoi tu es né sur la terre? Il y a plusieurs semences qui ont voulu se manifester sur la terre. Mais Dieu a porté son regard sur toi. Et tu es né. Tu es né. Maintenant Dieu cherche les bénéfices de cet investissement. Tes parents biologiques, ils ont investi beaucoup de choses en toi. Où est le bénéfice? Où est le bénéfice? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même, quand nous voyons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, verset 17, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, le Seigneur l'a présenté. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui? En qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est l'identité de Jésus et le potentiel de Jésus. L'affection du Père. C'est pourquoi Jésus sur la terre, lorsqu'il a lu dans le livre de Luc 4, verset 18, quand il était dans les temples, il connaissait sa mission. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pas pour manger. Pas pour m'habiller. Pas pour des véhicules. Pas pour des maisons. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour tout. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint. Pour tout. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour envoyer libre les opprimés. Et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Jésus connaissait sa mission. Toi et moi, nous allons connaître notre mission sur cette terre des hommes. Nous allons connaître notre mission. Nous allons retourner à la terre complètement vide. Alléluia. Quel est l'impact de la rencontre de Dieu? La rencontre personnelle avec Dieu entraîne le brisement des processus des mauvais événements. Amen. Amen. Nous voyons dans Juges 6. Verset 3 à 4. Quand Israël s'aimait, après un temps, les Madianites venaient et détruisaient toute la production d'Israël. C'était un cycle. C'est devenu comme une habitude. C'est devenu comme un jeu. Ce matin, il y a des puissances qui jouent avec ta vie. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, l'ennemi s'élève et il détruit. Après, tu recommences. Tu investis dans une histoire. Tu investis dans une affaire. Et tout à coup, tu perds tout. Non, bien-aimé. Ce matin, nous allons prendre la décision que le Seigneur de gloire brise les processus des mauvais événements. Ici, nous voyons aussi dans Luc 7, 14. Ici, c'est la veuve de Naïn. Elle était avec son fils unique. Son fils était décédé. Et le processus d'enterrement a commencé. Sur cette terre, chaque jour qui passe, il y a un processus d'enterrement dans la vie d'une personne. Telle personne est endeuillée. Telle personne a perdu son père. Telle personne a perdu son fils. Mais Jésus a regardé l'homme de Galilée. Il a dit, moi Jésus, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Je vais briser ce processus. Je vais briser ce processus. L'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. Il a eu compassion. Un fils unique. L'enterrer. Je suis présent sur la terre. Pas question. Jésus a touché. Il a touché les cercueils. Et le processus est arrêté. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Mais je te présente le Dieu de notre Père des Israélites. Celui quand il te touche, le processus des mauvais ennemis s'arrête. C'est pourquoi on a dit pour la veuve, la veuve. Oh, la veuve, Mouchane, elle n'a même pas organisé la cérémonie de funérailles. Elle est retournée avec son fils. Oh, ce matin, ce matin, je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que tu as perdu un travail? Est-ce que tu as perdu une entreprise? Est-ce que tu as perdu une poste? Est-ce que tu as perdu un mariage? Laisse que Jésus te touche. Laisse que Jésus te touche. Laisse que le roi de gloire te touche. Je ne sais pas, est-ce que tu es malade? Est-ce que c'est un processus de maladie? Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Parce qu'il y a un homme, on appelle l'homme de Galilée. C'est lui qui a représenté Dieu sur la terre. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Cette lettre de démission ne va pas t'amener au chômage. Ces saignements quand tu es enceinte ne va pas aboutir à l'avortement. Ton enfant, tu vas le garder. Peu importe la menace. Je ne sais pas si c'est un processus de divorce qui a touché ton mariage. Ce matin, je t'annonce Jésus. Tu vas te toucher. Le divorce n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Quel est l'autre impact? La rencontre personnelle avec Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, tes ennemis à toi, ils vont se mettre de côté parce que ce matin, le Seigneur de gloire a décidé de te donner la victoire sur tes ennemis. Quand Dieu relève ta tête, quand Dieu relève ta tête, quand tu vis dans l'humiliation, ta tête est baissée. Nous voyons la femme samaritaine. Elle est partie au puits. Mais chose bizarre. Au puits, il y a plusieurs femmes, n'est-ce pas? C'est comme au robinet. Les femmes aiment bien se retrouver ensemble. Ils de l'eau. Ils discutent un peu. Mais cette femme ici, elle est partie puiser l'eau seule. Elle avait la tête baissée. Elle vivait dans l'humiliation. Parce que dans sa vie, elle n'avait pas de mari. Oh, gloire à Jésus. Jésus a vu cette femme. Il n'a dit pas question. Si je suis sur cette terre ici, c'est pour accorder la victoire à mon peuple. Jésus a rencontré cette femme. Et cette femme, elle a discuté avec Jésus. Et après, cette femme qui avait la tête courbée, cette femme qui s'est cachée, elle est partie se présenter devant les Samaritains. Elle est devenue évangéliste. Elle a annoncé Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Oh, gloire au Seigneur. Quand le Seigneur t'accorde la victoire, il va relever ta tête. Alléluia. Amen. Israël vivait sous l'oppression des Madianites. Israël s'est caché dans les cavernes. Tête baissée. Humiliation. Israël, le peuple du Dieu vivant, s'est caché dans les cavernes. C'est quoi cette histoire? Le ciel a dit, non, il faut qu'on descende. Et quand Dieu a rencontré Gédéon, gloire au Seigneur, quand Dieu a rencontré Gédéon, la technique peut nous balancer. Juge 8. Verset 28. Oh, j'aime le Seigneur. Juge 8, verset 28. La Bible dit ceci. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il n'éleva plus la tête. Je t'annonce ce matin que tes ennemis ne vont plus lever la tête. Alors que le Seigneur élève nos têtes, c'est en ce moment que ils sont abaissés. Toi, tu sors ta tête, baisse leur tête. Il y a un shift, il y a un changement. Il y a un changement qui se fait. Je vois un changement qui se fait en Seigneur. Où le Seigneur abaisse la tête de nos ennemis. Et le Seigneur relève nos têtes. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation domine ta vie. Est-ce que c'est la pauvreté qui a baissé ta tête? Est-ce que c'est la maladie qui a baissé ta tête? Est-ce que c'est quoi? Quelle est cette situation, mon frère? Quelle est la situation, ma soeur? Mais ce matin, alors que le Seigneur relève ta tête, tes ennemis à toi baissent leur tête. Alléluia. Amen. Parce que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Parce que tu es en haut, et tu n'es pas en bas. Quitte cette position de défaite. Quitte la queue. Quitte la queue. Va à la tête. Parce que tu es la tête. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Alors que tu acclames le Seigneur, il est en train de relever la tête. Alors que tu t'élèves, au même moment, le ciel t'élève. Parce que dans la maison de l'Éternel, tout est prophétique. Alors que tu te lèves, le Seigneur élève ta tête. Alors que tu te lèves, le Seigneur lève ta tête. C'est un acte prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, quitte la chaise. Alors que tu te lèves, le Seigneur lève ta tête. Oh, gloire au Seigneur qui élève la tête. Amen. Amen. Rabba sopa yaba shendekeya. Rikeba sokaya shindekeya. Rakayaba sepeyaba sukaya. Rekeyaba sopeya. Le Dieu de notre Père Désiré Mbaye est en train de relever la tête de plusieurs. Est en train de relever la tête de cette église. Est en train de relever vos têtes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le dernier point. Nous allons chuter par là. Tout amalizia pal. Quel est l'impact de la rencontre personnelle avec Dieu? Ah, j'aime ce dernier point. C'est quoi ce dernier point? Ah, je suis dans l'impatience. C'est quoi ce dernier point? C'est l'annonce d'une saison de repos. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'annonce d'une saison de repos. Trop longtemps tu as souffert, tu n'as même pas su dormir. Trop longtemps tu as pris des médicaments, mais la santé est toujours instable. Trop longtemps tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que l'on peut faire, mais la situation restait intacte. Mais ce matin, l'ingrédient qui t'est manqué, l'épice qui t'est manqué, c'est cette rencontre personnelle. Quand le Seigneur te rencontre personnellement, il y a une saison de repos. Et là, nous pouvons lire cela dans Juges 8, verset 28, dans sa dernière partie. On a dit, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Les peuples avaient souffert pendant 7 ans. Mais quand la rencontre personnelle avec Dieu a eu lieu, Dieu a accordé à Israël 40 ans. Le temps de repos sera toujours supérieur en quantité, en qualité, en puissance. 40 ans de repos, je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Madianite était comme des sauterelles. Mais le Seigneur a décidé de remplacer 7 ans par 40 ans. Dans ta vie, j'annonce une saison de repos. Je déclare une saison de repos. Non seulement toi tu vas vivre le repos, mais tes enfants vont vivre le repos. Tes enfants ne vivront pas l'humiliation que tu vis. Tes enfants ne vivront pas la pauvreté que tu as vécue. Tes enfants ne vivront pas l'humiliation que tu as vécue. Parce que le Seigneur de gloire annonce une saison de repos. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Ce matin, nous avons parlé de la rencontre personnelle. La rencontre personnelle avec Dieu change l'homme. Et ce message d'aujourd'hui a été subdivisé en 3 points. Le premier point, c'est la définition de la rencontre divine. C'est quoi la rencontre divine? La rencontre divine, c'est la visitation divine. La rencontre divine, c'est comme cette pluie qui est descendue sur la terre ce matin. Désire la rencontre divine. Quand la pluie tombe sur la terre, la terre n'est plus sèche. La terre est impartée. La terre a changé. Et la vie aussi va changer. Alléluia. Amen. Le deuxième sous-point a relevé quelques fondements sur la rencontre. Et le troisième sous-point a traité l'impact de la rencontre divine. Et nous avons résumé ces impacts. Premièrement, il y aura la révélation de ton identité céleste. Il y aura la révélation de ton potentiel. Il y aura la révélation de ta mission sur la terre. Il y aura le brisement des processus de mauvais événements. Il y aura enfin l'annonce d'une saison de repos. Bien aimé dans le Seigneur, rien ne changera dans ta vie tant que ton esprit ne change. Et Dieu, Yahweh est le seul, l'unique qui a le pouvoir de changer l'homme lorsqu'il le rencontre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire qui est venu nous rencontrer ce matin? Est-ce que tu peux honorer la sainte présence et glorieuse de notre Seigneur? Tandis que tu te lèves, tu entres dans une nouvelle saison. Tandis que tu te lèves, tu entres dans une nouvelle saison. Tous ceux qui se lèvent entrent dans une nouvelle saison. Je vais vous inviter à faire une prière. Aujourd'hui, chacun va désirer ce matin une rencontre personnelle avec Dieu. Quand bien même nous sommes réunis, mais chacun a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, positionne-toi. Ne regarde pas ton voisin. Ça, c'est une rencontre personnelle. Tu vas fermer les yeux pour te distraire, pour ne pas te distraire. Tu vas fermer les yeux pour que ton voisin ne puisse pas te distraire. Parce que le mercredi, on nous a parlé de la connaissance du temps. Tu dois connaître ce temps. Le mercredi, on nous a parlé de la gestion du temps. Cherche ce temps ici. Ne regarde pas ton voisin. tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur de gloire, il y a telle situation dans ma vie qui m'a rendu trop longtemps malheureux. Mais je décide ce matin de te rencontrer parce que tu es venu me rencontrer et que ma situation change. Je refuse d'aller enrichir les cimetières parce qu'il y a un potentiel en moi que je vais libérer. Mais je dois d'abord te rencontrer. Le vendredi, on nous a parlé que nous sommes l'instrument du changement parce que Dieu est en nous. Dieu n'est plus au ciel, Dieu n'est plus dans les voisins, Dieu est en moi. Ferme les yeux, désire la rencontre avec Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Merci, merci. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Je vais faire un deuxième appel à toute personne qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. Ce matin, nous t'avons présenté un homme, l'échangeur de situation. Est-ce que tu veux que ta vie change? Qui désire? Qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur? Connais cet temps que Dieu t'offre ce matin. Cherche ce temps que le Seigneur t'offre ce matin. Parce que je ne sais pas ce que demain peut enfanter. Est-ce que tu auras encore cette opportunité? Ou bien tu décides d'aller enrichir les cimetières? Est-ce qu'il y a une personne parmi qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur? Est-ce que nous pouvons fermer les yeux, tout le monde? Est-ce que nous pouvons fermer les yeux avec le respect que je vous dois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, un Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Si cette personne n'est pas là, donc tous nous avons déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc le changement est certain. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Gloire à Jésus! Pour la suite, je vais inviter papa. Alors qu'il est en train de monter, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je suis émerveillé, je vous dis. Et je bénis le Seigneur. Maman dit que Dieu te bénisse. Patrick, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Je n'ai même pas de commentaires à faire. C'est précis. C'est bien détaillé. Et chacun peut comprendre certaines choses. Alors, je voulais retenir deux choses. La première, c'est que l'Esprit nous a dit ce matin à travers sa servante. Même quand on a tout perdu dans la vie, on n'a pas perdu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, ça j'ai aimé. Même quand tu as tout perdu, tu n'as pas perdu Jésus-Christ. Même quand tout le monde t'a chassé, Jésus ne t'a pas chassé. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance ce matin. Alléluia. Amen. La deuxième chose, je crois que j'ai pris une photo pour envoyer aux gens de la technique. Pendant qu'elle enseignait, comme j'écrivais dans mon agenda, j'ai photographié pour qu'ils écrivent. Pourquoi je veux qu'on écrive? Il faut lire la prophétie, n'est-ce pas? Habakkuk chapitre 2. Qu'on lise couramment la prophétie. Alors, s'ils sont prêts, ils vont nous mettre les 6 points d'impact. Est-ce que vous êtes prêts à la technique? Mettez un peu en grand parce que les yeux. La rencontre avec Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse Maman Lydie. La rencontre avec Dieu. Elle accorde la révélation de son identité. De sa vraie identité. Mais les hommes ne te connaissent pas. Ils pensaient que Gédéon c'était un boulanger. Mais pour Dieu, Gédéon c'était un vaillant héros. Alléluia. Amen. La rencontre avec Dieu accorde la révélation de son potentiel. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Et j'ai aimé ce que la servante de Dieu nous a dit. Que Dieu ne t'a pas créé vide. Wow. Ah, que Dieu te bénisse, docteur. Dieu ne t'a pas créé vide. Ne pense pas que tu es vide. En toi, il y a quelque chose. C'est ça le potentiel. La rencontre avec Dieu accorde la révélation de ce potentiel. C'est ce que Dieu a mis en toi quand il t'a créé. Alléluia. Amen. Troisièmement, la rencontre avec Dieu accorde la révélation de sa mission sur la terre. Tu as une mission. Frères et sœurs, tu n'es pas sur la terre ngoulou-ngoulou. Non, tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu as une mission divine. Là où Dieu te place, chorale, travail, maison, famille, pays, avenue, tu as une mission divine. Le grand problème avec nous tous, les réactions que nous avons, parfois montre que nous ne comprenons pas très bien la mission. J'abandonne. Moi je quitte. Je ne peux pas préparer pour lui. Tu ne peux pas m'envoyer. Tu ne comprends pas la mission que Dieu t'a donnée. L'impact de la rencontre avec Dieu accorde le brisement de mauvais processus. Arrête le cycle de mauvaises choses dans nos vies. Ah, je comprends que tu as vraiment prié pour ça. Que Dieu te bénisse. Arrête le cycle. Mais dans nos vies, il y a des mauvais cycles. Il y a des gens qui ont des problèmes chaque le premier. Il y a des gens qui ont des problèmes chaque saison sèche. Il y a des gens qui ont des problèmes chaque saison de pluie. Il y a des gens qui ont des problèmes qui ont des problèmes. Mais la rencontre avec Dieu accorde le brisement ou l'arrêt de mauvais processus. La rencontre avec Dieu accorde la victoire sur nos ennemis. Et ça, j'ai aimé. Que tu vas relever la tête, toi qui as la tête courbée, à cause de la honte, à cause des problèmes. La rencontre avec Dieu annonce une saison de repos. Et le principe avec Dieu, la saison de repos doit être plus longue, plus belle et plus grande que la saison des problèmes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces 6 points? Alléluia. Maintenant, tu as les yeux fermés. choisi parmi les six points que l'Esprit nous a donné. Si tu n'as pas retenu, tu peux même lire. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Choisis un des points qui te concerne. Parce que quand l'Esprit libère une parole, en fait, c'est une énergie. C'est une force. C'est une solution. Alors choisis ton problème et regarde les six solutions de Dieu ce matin pour résoudre ton problème. Pour résoudre ton problème. Pour résoudre ton problème. Pendant que la chorale nous accompagne dans un cantique, on peut nous chanter Abba Père. On nous chante ce cantique. Pendant ce temps, j'aimerais que tu pries. Tu as les six points en face de toi. Tu as les six problèmes. Tu as les six solutions. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, commence à prier. Prie le Seigneur. Merci Père. Ta rencontre avec toi nous donne la révélation de notre identité. Nous avons ignoré l'identité, Seigneur. Ce matin, révèle à chacun son identité réelle. Comme tu l'as fait avec Gédéon, révèle la vraie identité. Seigneur, merci. Tu ne nous as pas créés vides. Le Saint-Esprit a placé quelque chose. Tu nous as donné une mission, Seigneur. Tu brises aujourd'hui le processus, les cycles de mauvais événements dans nos vies. Au nom de Jésus, accorde la victoire sur nos ennemis. Oh, merci Seigneur. Tu es venu annoncer une saison de repos. Une saison de repos. Une saison de repos. Une saison de repos. Une saison de repos. Abba, papa, mote mananga. Et ton fils ami n'a pas sa na yo. Abba, papa. Moli monanga, esonganga, lu. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes? Sans le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne saura pas avoir. Il y a même des choses qu'on ne saura jamais comprendre. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de la présence de Dieu. Oh, j'aimerais ce matin que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Que ton cœur soit débordé de l'Esprit de Dieu. Pendant ce temps, la chorale nous cherche un bon cantique. Nous voulons être remplis. Nous voulons que le Saint-Esprit fasse son travail. S'il y a des malades en ces lieux, que ces malades soient guéris. S'il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont dans des mauvais cycles, en tout cas aujourd'hui, ces mauvais cycles doivent s'arrêter dans leur vie. S'il y a des gens qui ont la tête baissée parce qu'ils ont été humiliés quelque part dans leur vie, oh, le Seigneur t'accorde la faveur. Comme cette femme samaritaine, tu lèveras aussi la tête. Ta tête ne sera pas baissée. Tu lèveras la tête au milieu de tes ennemis. C'est pourquoi on nous a lu dans Juges 8, le verset 28. que Madian n'a plus jamais levé la tête devant Israël. Tes ennemis ne leveront plus jamais la tête devant toi. Alors nous voulons prier que le Saint-Esprit nous fasse grâce, que tu sois rempli de la présence du Saint-Esprit. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la présence du Saint-Esprit. Tu as dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je désire être rempli de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Oui, que Dieu te remplisse. Sois rempli ce matin. Oh, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, rabababamo. Ikerebo. Yarababash. Portez les mains vos linteaux pour que le Dieu de gloire. Oh, continue à prier, bien-aimé. Fasse son nom. Prie ce matin. Avec puissance et autorité. Oh, prie ce matin. Les nations se prosternent. Si tu parles en langue, vas-y. Et les océans rugissent. Que le Saint-Esprit te remplisse. Quand il fait son nom. Au nom de Jésus. Avec puissance et autorité. Au nom de Jésus. Porte les bébés. Au nom de Jésus. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent. Quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Est-ce que nous pouvons tout dire tous ensemble Amen et acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Nous allons passer aux offrandes. Et avant d'offrir, nous allons lire un passage dans 2 Chroniques, le verset 2 Chroniques 9, le verset 6 à 7. Sachez que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a reçu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que nous pouvons offrir avec joie pendant que la chorale nous accompagne? Alléluia. Prochainement, tous ensemble, nous puissions le faire pour ton honneur. Que toute ta gloire te revienne, éternel Dieu des armées. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Place au communiqué. Pendant ce moment, nous invitons Maman Miki pour la suite de programme. Est-ce que nous pouvons acclamer pendant qu'elle s'avance? Amen, Église. Si c'est votre première fois d'arriver ici, vous pouvez balancer votre main en l'air. Ok. Shimama, Shimame. Kanisa, tu vas poteler, ote. À la fin du culte, ne soyez pas pressés, vous allez vous mettre ici devant. Il y aura des frères qui vont s'entretenir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Karibu sana ukukwetu. Itakuwa furaha sana kama mnaoccupe chaque jour la chaise là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Communiqué. Tangazo. Nous invitons d'abord Maman Ndongo. Tunalika kwanza Maman Ndongo de la convention qui est notre conseillère. Alléluia. Amen. Alléluia kanisa. Amen. Tunamshukuru Mungu. Tunampikia asante sana. Nous remercions vraiment notre Dieu. Na tunamu pikia asante baba yetu. Et nous remercions aussi notre Père. Baba yetu eko na tuencourager. Notre Père est en train de nous encourager. Tutumikie Mungu. Nous allons lever pour servir Dieu et aller de l'avant. Malgré faiblesse yetu. Ingawa uregevu. Le serviteur de Dieu nous a accepté. Alors, mina penda kusema. Je m'irais dire. Juya, ba papa, à cause des papas, de responsables, ba baba yetu, nos pères, ba toto yetu, nos enfants, ba naume, les garçons, mushi tu neglige. Ne nous négligeons pas. Iko ole sana. C'est malheureux. Yako, dans ta maison, uko na bibi, tu as une femme qui ne connaît pas Dieu. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu as les enfants et filles qui ne savent pas Dieu. Tu auras beaucoup de problèmes. Si les filles ne connaissent la femme et ta mère savent Dieu, tu auras moins de problèmes. C'est ce que je voulais dire. Encouragez-nous. Pourquoi pas on ne peut pas faire une croisade de maman? Pourquoi pas on ne peut pas faire un séminaire de maman? Nous sommes capables. Nous prenons la décision d'aller en avant. Ce n'est pas comme ça les mamans. Toutes les jeunes mamans, toutes les jeunes filles, venons derrière notre pasteur. Travaillons ensemble avec les serviteurs de Dieu. Amen. Laissons les problèmes de nous exhorter tout le temps. S'il y a le rencontre, qu'on se retrouve ici. S'il y a affaire, qu'on se retrouve ici. Amen. Amen. Ensemble avec Dieu, nous serons. Sans Dieu, nous ne pourrons rien. Si nous voyons aujourd'hui dans le monde, le monde exploite les femmes dans de mauvaises histoires. Dans de mauvaises histoires, l'église prend les mamans, commence à exploiter dans les histoires qui vont remettre la gloire à Dieu. Levons-nous. Mais nous reculons pas. Amen. Amen. Merci notre pasteur. Asante Mtungaji wetu. Que Dieu vous bénisse, papa. Prière matinale du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Dédicace. Enfants, Jeff Lubangi et Karine Umba. Mutoto Jeff Lubangi na Karine Umba, kama ni wama pacha. Ils peuvent s'approcher, ce sont des jumeaux. Ils peuvent s'approcher. Maman, c'est maman Nyota et papa Yumbi Delphin. Karibu sana, tutapika mikono, njia kuwa encourager. Thank you. Machinda. Parents, papa Christian Mutamba et maman Christelle. Karibu sana, tapika mikono tena. Pour la suite des programmes, nous invitons papa. Kwa ajili ya maendeleo ya mipango, tunamwalika baba. Est-ce que les mamans peuvent nous aider à prendre les enfants? Wa mama wanaweza kutusaidia kuchukua watoto? Maman Marise pouvait nous aider. Ah, y a une protocole. Maman Sylvie, aidez-nous aussi à prendre. Non, non, toi tu prends. C'est prophétique, hein? Nakwaya unabi. Ok. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons bénir les enfants. Nous ne baptisons pas les enfants. La Bible, Jésus dit, laissez les enfants venir auprès de moi. Et dans le livre de Luc au chapitre 2, on a amené Jésus pour le présenter au temple. Et ce jour-là, on ne l'a pas baptisé. On l'a juste présenté, on a prié pour lui. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous présentons juste les enfants et nous prions pour eux que la grâce et la main de Dieu soient sur eux. Alors, étendons nos mains vers nos enfants et prions pour eux. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont un don que tu donnes à l'Église, au monde et à la famille. Je les bénis. Qu'ils soient protégés par ta main puissante. Je proclame le nom et le sang de Jésus sur chacun. Que le nom et le sang soient proclamés sur toi. Que le nom et le sang de Jésus soient proclamés sur toi. Je bénis les parents qui ne manquent de rien. Seigneur, fortifie-les. Accompagne-les, Seigneur, pendant toute la vie de leur enfant. Fais grâce, Seigneur. Je prie pour les mamans dans la salle qui attendent famille. Seigneur, protège-les. Veille sur elles, Seigneur. Je prie pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Merci, Seigneur, parce qu'ils auront des enfants. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vais rentrer à leur place. Utarudia kwa mafazi yenu. Vous les accompagnez. Utawasindikiza. Ok, nous donnons une offrande pour nos trois enfants. Et la chorale nous accompagne pendant ce temps. Alléluia, n'attendi yon kolo. Amen, amen. N'attendi yon kolo. Alléluia, n'attendi yon kolo. Amen, amen. N'attendi yon kolo. Alléluia, n'attendi yon kolo. Amen, amen. Yoli se kwananga, kola Yesu yoli se kwananga. Amen, amen. Natondi yokolo, alleluia, natondi yokolo. Amen, amen. Yoli se kwananga, kola Yesu yoli se kwananga. Amen, amen. Alléluia, n'attendi yon kolo. Amen, amen. N'attendi yon kolo. Alléluia, n'attendi yon kolo. Amen, amen. Amen. Nous avons un anniversaire ce matin. le couple Élisée et Rebecca Kazad qui fête leur anniversaire. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent s'approcher, on va prier pour eux. Je vais corriger. Mettez-vous. Venez. Élisée, monte. Monte, Rebecca. Ok. Je vous les présente directement. Je crois que celui qui a écrit, qui a peut-être mal écrit. Ok. Élisée. Elisha. Et Rebecca. Rebecca. Ils se marient le 11 avril. Ça sera un vendredi. Exceptionnellement, nous allons les bénir le vendredi. Ouais, avec tous les aménagements, mariage civil vendredi. Parce que samedi c'est devenu férié. Bon, il y a des aménagements peut-être à faire. Alors, le vendredi 11 avril, nous allons bénir Élisée et Rebecca. Voilà, nous les présentons ce matin. Rebecca, c'est notre sœur. Et nous allons les bénir en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, soyons là au culte. Et que Dieu bénisse les mamans qui se fortifient, qui se dépensent pour ça. Mungu awabariki wa mama wale wanafanya hiyo kazi. Okay, Rebecca Elise, pouvez rentrer à votre place. Unaweza kurudia. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu anabariki. Hier on a béni un couple, mais je ne les vois pas. Bon, nous leur accordons la grâce de s'absenter le dimanche. Mais, au niveau du département, on a enseigné toujours que il faut venir le dimanche après le mariage, c'est important. Donc c'est important pour tous les couples. Dans le 11, nous bénissons Rebecca et Élisée. Le 13 dimanche, vous venez. Hein? Vous dormez seulement le 11, le 12, le 13, vous venez à l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Alors, avant que je donne le programme de l'église, kabla nilete mpango wa kanisa, je voulais prier pour les mamans. Nitapenda kuombea wa mama. D'abord, toutes les mamans de l'église, j'aimerais qu'elles se tiennent debout là où elles sont. Wa mama wote wa mkanisa wasimame juu pale banakutwa. Je vais prier pour elles. Nitawaombea. Tenez-vous debout. Maman Dongo a dit des choses très profondes. Maman Dongo aweza kusema maneno inakuwa na mketo sana. Vous ne réalisez peut-être pas ce que c'est être une maman. Amuyafika mkipimo kia kumanisha mama ni nini? Être maman ne se limite pas à être femme dans un couple. Kuwa mama aibakie tu kuwa muke ndani ya ndoa. Être maman a une portée spirituelle. Kuwa mama inakuwa na mambo ya kiroho. Une portée divine. Mambo ya kimungu. Et vous verrez que le Saint-Esprit, la plupart, quand vous lisez les fruits de l'Esprit, c'est des traits qui ont, ce sont des choses qui ont trait aux mamans. Kuna kuya maneno inambatana kuwa mama. Donc si une maman a le fruit de l'esprit, kama huyo mama anakuya na ile matunda ya roho, elle se comportera comme le Saint-Esprit dans sa maison, dans les l'église et partout. La douceur, la bienveillance, toutes ces choses-là qui sont citées. Alors, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous oigne et pour ne plus reculer. J'ai vu que les mamans peuvent venir avant le culte. Mais ne venez pas avant le culte seulement le jour où vous devez travailler. Dieu aime les gens constants dans leur vie. Dieu compte sur les gens constants. Il sait que celui-ci ou celle-ci, elle est comme ça. C'est rare que Dieu utilise les gens saisonniers. Non, c'est rare que Dieu utilise les gens saisonniers. Saisonniers, les gens qui changent de position. Aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. Dieu aime les gens constants. Même s'il a des problèmes, Dieu aime les gens constants. C'est ça la pensée de Dieu. Alors levez les mains là où vous êtes. Seigneur, je prie pour les mamans de l'église. Toutes les mamans de l'église. Même celles qui ne sont pas là aujourd'hui. Que ta grâce reste. Qu'elles prennent une nouvelle dimension. Pour avancer avec toi. Pour prospérer dans la vie. Pour te connaître plus qu'elles te connaissent aujourd'hui. Je bénis leur département. Je bénis la grâce sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amina. J'invite toutes les mamans qui ont travaillé. Elles vont passer ici devant. Depuis mercredi. Passer devant. Mettez-vous à genoux pendant un temps. Il y a de la place ici, il y a de la place ici. Mettez-vous à genoux. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et ce que Dieu commence, il est fidèle et il sait comment il va l'achever. Alors, faites attention, restez attachés au Seigneur. Moi, je suis convaincu que Dieu va faire grâce. Et selon que Dieu me mettra à cœur, je travaillerai anytime, quel que soit le moment, avec qui que ce soit. Seigneur, merci. Je prie pour toutes ces mamans qui se sont dépensées. Seigneur, protège-les. Que l'ennemi ne les touche pas. Garde-les à toi, Seigneur. Viens sur leur vie. Viens sur leur projet. Viens sur leur progéniture. Viens sur leur mari. Viens sur leur ministère. Viens sur leur don. Viens sur leur talent. Je les recommande entre tes mains. Que ta grâce soit sur elles. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elles? Que Dieu vous bénisse. Alors, je donne un programme spécial que Dieu m'a mis à cœur pendant ce temps. C'est toujours un bon moment quand ça se passe comme ça, le pasteur a le temps de prier pour autre chose. Le Seigneur m'a mis à cœur un programme. Demain c'est le 31, c'est le dernier jour du mois de mars. C'est le dernier jour du premier trimestre de l'année 2025. Donc sur les quatre trimestres, le premier trimestre vient déjà de tomber. Demain le 31. Mardi c'est le 1er avril. Nous commençons un nouveau trimestre. Alors le Seigneur a mis à cœur une dimension exceptionnelle. À partir de demain, nous avons prière. De 17h, j'ai bougé le programme pour que tout le monde soit là et attend. De 17h à 18h30. Donc, les chorales, 17h, nous commençons. 18h30, nous prêchons. 18h30, nous obéri. Et plutôt, 17h30, nous prêchons. 17h30, tu n'as oublié. 18h, nous faisons la sainte scène, la table. 18h, tu n'as pas la mesa takatifu. Nous aurons la table tous les jours. Kutakuya mesa takatifu kila siku. Lundi. Siku ya kwanza. Mardi. Siku ya pili. Mercredi. Siku ya tatu. Jeudi. Siku ya ine. Vendredi. Siku ya tano. Samedi. Siku ya sita. Et dimanche na matin. Siku ya saba asubuhi. J'espère que vous me suivez bien. Donc nous aurons sainte scène tous les jours. Le culte commencera à 17h. Mais à partir de 16h, les serviteurs, anciens, diacres, moi-même et les serviteurs, si tu sers le Seigneur dans l'église, serviteur, c'est Ce n'est pas masculin, c'est pluriel. Donc même les mamans qui seront disponibles à partir de 16h, nous nous retrouvons ici pour la prière. Et en même temps, nous préparons la Sainte Cène ici à l'église. Donc à partir de demain, 16h, nous allons préparer la Sainte Cène ici à l'église. 16h, nous préparons la table ici à l'église. Pendant que les gens prient, d'autres préparent la table. 17h, nous aurons, je suppose que ça va nous prendre une heure. Et 17h, nous commençons le culte. Na 17h, tu lances ibada. Et 17h30, nous enseignons. 17h30, tu nafundisha. Et 18h, nous partageons la table. Na 18h, tu nagawanya mesa. Et nous prions. Na tu naomba. Voilà, c'est des moments intenses de prière. Nina kwanya kati ya maombi ya nguvu. Le Seigneur me parlait sur Juges chapitre 6 verset 2. Bwana alinisemezea juu ya Waamuzi sura yake ya 6 na mstari wa 2. Juste la première phrase, Juges chapitre 6, verset 2. On peut nous mettre ça. La technique soit avec moi. Juges chapitre 6, verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Alors le Seigneur m'a dit pendant toute la semaine, briser toute main noire et maléfique qui tourmente la vie des enfants de Dieu. Ça sera notre thème. C'est ça notre thème. Briser toute main noire et maléfique qui tourmente la vie des enfants de Dieu. Et nous commençons demain à 17h. Alors, pour cela, ne ratez pas. Il y a 10 domaines. 10 domaines dans lesquels nous allons briser la main noire dans nos vies. 1. Les hôtels dans nos maisons. 2. Nos réputations. Ma heshima yetu. 3. Kya tatu. La santé. Afya yetu. 4. Kya ine. Les relations. Mausiano yetu. Dieu n'a jamais créé un homme seul sur la terre. Mungu ajaumba kamwe mutu yepeke ulimwenguni. Il faut toujours quelqu'un à côté de toi. Inabidi tu mutu mwingine akuwe pembeni yako. Mais parfois l'ennemi va mettre sa main sur tes relations, tu te retrouves seul. Ou les bonnes relations que tu avais, tu vois que les gens ne t'aiment plus, les gens coupent ces relations que tu avais. Sa zingine maziani anaweza kuweka bantu babaya yulu yako, au wale bantu wazuri ulikuwa nao musiano. Donc je reprends les 10 domaines. Le premier domaine, nukta ya kwanza, les hôtels dans nos maisons. Mazabao ndani ya manyumba yetu. Chaque maison est bâtie sur une terre. Nyumba, kila nyumba iko yenye kujengewa yulu ya mazabao. Une terre. Yulu ya udongo. Et chaque terre a reçu certaines paroles. Na kila udongo aliweza kupokea maneno moja. Nous devons prier pour ça. Tunapaswa kuyaombea. La réputation. Heshima. La réputation te précède. Parfois l'ennemi met la main pour que quand tu vas arriver, on a déjà tout détruit. Trois, la santé. Un grand investissement que Dieu te donne. 4, les relations. Ine mausiano. Que Dieu protège tes relations. Mungu akinge mausiano yako. Tes relations envers tes chefs, ton mari, ta mausiano femme, na chef yako, envers les gens qui peuvent te faire du bien. Que Dieu veille sur tes relations. Mungu akeshe kwile mausiano. 5, le travail. Yatano makazi. Quand on détruit ton travail, on détruit ta vie. Qui ne travaille pas ne mange pas, tu ne mangeras pas, tu auras des problèmes dans la vie. 6, le temps. 7, la localisation. Je connais un homme qui s'appelle Germe, il germera en son lieu. Germe. Mouchi. Ok, il germera en son lieu. 8, la couverture spirituelle. Il y a des gens, pour être béni, tu dois être dans une couverture spirituelle. Le diable te sort de cette couverture spirituelle, il t'amène ailleurs et il détruit toute ta vie. C'est vrai que Dieu est partout. Mais il y a des endroits spécifiques où Dieu te donne une couverture spirituelle. 9, le temps. Nyakati. 10, Kumi. Les libéralités et le service. Kutolewa kwa makazi. Funguliwa kwa makazi. Comment ça, les libéralités? Voilà, merci. Kukabula. Voilà. Il y a des gens, l'ennemi met ta main sur tes libéralités. Adui anaweka mukono kuwale wanapasha kukukabula. Au kabule tena. Tu ne distribues plus. On a bâkiré un maskini ou un mashi. Tu restes pauvre et pauvre. Alors que dans la Bible, les gens qui ont travaillé dans la libéralité. Dani ya Biblia wale watu wanaweza kutumika mwiyo maneno. Abraham. Ibrahim. Pour qu'elle Isaac, il devait recevoir les trois hommes. La femme de Shunem, pour qu'elle ait son enfant, elle devait recevoir Élisée. Abigaël, pour qu'elle soit épousée par David. Abigaël, femme de Nabal. Vous allez voir, on va voir toutes ces choses. Dorcas, la femme qui a répandu le parfum sur Jésus-Christ. Voilà, donc les 10 domaines, là où nous allons briser la main noire, la main de Madian. Nous avons 7 jours pour 10 choses. Ce n'est même pas ces 6 jours, hein. De lundi à dimanche. C'est combien? 7. Ok, 7 jours pour 10 choses. Mais c'est des moments de prière. C'est vraiment pas des enseignements. J'essaie de tout mettre presque résumé. Pour qu'on projette ça déjà dès demain, pour que nous puissions gagner le temps et prier. Et nous aurons la table chaque jour. Donc la chorale se prépare à ça, ce sont des cultes de prière et de sainte cène. On ne l'a jamais fait dans cette église. Dieu m'a dit de le faire pendant une semaine. Sainte cène. Briser la main noire sur nos vies et prier pour les 10 domaines qui ne sont pas exhaustifs. Donc aina joyote. Qui ne sont pas exhaustifs. Ok, donc il y en a peut-être d'autres. Mais nous avons pris des domaines essentiels quand on était en train de travailler. Dans lesquels nous allons prier. Et nous terminerons dimanche. Donc, même samedi de 17h à 18h30. Alors, quelles sont les consignes? Ni manamuna kani tutafanya. Le matin. Asubuhi. Manger léger. Mukule chakula ya upepelo. Kama ni chai ikwe tu chai ya rouge. Si tu sais, kama ni café ikwe café, café ni kalaka kodoro kani. Et le café a quelle couleur? Ya mouche. Et café. Et café ni kalaka café. Et le café est toujours café. OK, au noir. Kama ni café ou cheke majiba. Si c'est le café, ne mettez pas du lait. Mange un peu. Kula kidogo. Chai. Chai. Seulement du thé. Mukate kidogo. Un peu du pain. Dans notre nourriture, Muchakula yetu. Nous mangeons seulement le soir. Tunakula paka mangaribi. Pendant la journée, nous ne mangeons pas. Muchana atutakula. Tu peux boire. Mais cette semaine, lakini hiyo wiki yote, ne bois rien d'autre que de l'eau. Usikunywe kitu kingine ila tu maji. Si vous voulez, tu n'as pas de bière. Nous qui buvons la bière. Hein? Une semaine de pause. Tutapumzika wiki mzima. Nous prenons seulement de l'eau. Tunachukua tu paka maji. Si vous voulez, tu n'as pas de vin. Si tu veux du vin. Jus. Les jus. Coca. Le Coca. Fanta. Le Fanta. Quoi encore? Nini tena? Sprite, Sprite, yaourt, yaourt. Une semaine, tu connais maï. Cette semaine, buvons seulement de l'eau. Vous buvez maï. Les matins de l'eau. Midi maï. À midi de l'eau. Tu n'as qu'une mangaribi. Nous mangeons les soirs. Maintenant, mangaribi, tu n'as qu'une normalement. Les soirs, nous allons manger normalement. Mais muchakula yetu ya mangaribi. La nourriture du soir. Je vous demande tout aussi mo nyama. Na milomba qu'on enlève l'aubergine. Nyam. La viande. La viande. Je suis en train de définir juste les règles. Nikuna leta tu manamuna. Bon, bale banapenda kanyama juste une c'est semaine. Ceux qui veulent manger la viande, c'est seulement une semaine. Juste une semaine. Juma tu moja. Donc, i juma. Cette semaine. Akuna nyama. Il y a pas la viande. Oh non, mi takura mayai na non, mayai ya pa. Les œufs, même les mayai œufs. Non. Mayai nayo ni nyama. Les œufs c'est aussi la viande. C'est ça non? Aiko vile. Mayai na nyama. Les œufs ce ne sont pas la viande. Tous les produits issus de la viande. Ile bintu yote inatokea kunyama. Le lait est issu de la viande, non? Maziwa inatoka kunyama. Le lait est issu de la viande. Maziwa inatoka kunyama. Les œufs sont issus de la viande. Mayai inatoka kunyama. Ah, il y a le lait végétal. Comment dire? Hein? Kuma jiba ya. Il y a aussi le lait végétal. Végétal. Il y a kutoka kumiti. Iko ako? Il y en a. Bon, moi, tu chikune tu majiba. Ne vivons pas du lait. Il est trop compliqué. Ça va nous compliquer. C'est une semaine. Il n'a quoi ni juma. Donc, pas de lait, pas de viande. Akuna maziba, akuna nyama. Pas de. Akuna mayai. Ça manque légumes. Le poisson et les légumes. Bukari. Et le fufu. Mais modérément. Légèrement. Nous voulons rester en prière toute la semaine. Et nous buvons de l'eau. Il y a Kurobine, il y a Dasani, comme vous voulez. Et les serviteurs, nous sommes là à 16h. Nous faisons l'intercession. Nous prions pour la table. Et à 17h, notre culte commence. Nous terminons à 18h30. Donc, nous clôturons le premier trimestre et nous introduisons le deuxième trimestre. Et Dieu va nous bénir. Je suis sûr qu'après cette semaine, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Amen. Qui est d'accord de prendre cet exercice? Qui n'a pas compris? Nani asielewe? Qui n'a pas compris peut poser la question. Nani asielewe? Bien que je sache que c'est le meilleur auditoire de la République. Qui n'a pas compris? Nani asielewe? Nana si comprendre à se poser toutes questions. Qui n'a pas compris? Donc, Boussouboui, je n'ai pas dit tu peux déjeuner légèrement, chai ya chai, les café, matins, chai ya chai, café ya café. Les cafés, café. Voilà, café à noir. Pas un café noir. Ok. Kidoko. Un peu de café. Mokatoko kidoko. Un petit pain. Tu divises par deux ce que tu manges le matin. Ce que tu manges le matin, tu divises ça par deux. À midi, tu te fais une pause. tu prends de l'eau. Si tu as encore faim, tu prends encore de l'eau. Et le soir, nous mangeons. Et nous nous retrouvons déjà ici à 17h. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, sous ce compte, nous sommes en prière cette semaine. De lundi à dimanche. Et j'ai donné les 10 domaines dans lesquels nous allons travailler. Le thème, c'est briser toute main maléfique et noire qui tourmente la vie des enfants de Dieu. Et nous prierons comme ça. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous patienter pour le débordement. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On se tient debout. On va adorer le Seigneur. Merci Jésus. Nehemia Goligota Nika Baba Harikubwa Nehe Mathele Nayami Lele Panema chose avant de nous séparer. La première, tous les choristes qui sont dans la salle peuvent rester à la fin du culte. Je voulais m'entretenir avec eux. La deuxième chose, comme j'ai dit, nous avons Sainte-Seine tous les jours. Si Dieu vous met à cœur de soutenir l'Église, nous aurons besoin de fromage tous les jours, nous aurons besoin de jus tous les jours. Venez me voir personnellement et dites-moi, comme ça, ça va nous permettre d'arranger tout avant. Père, je te dis merci. Parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu nous as donné une parole puissante ce matin. Même quand on a tout perdu, on n'a pas perdu Jésus-Christ. Tu nous as donné l'impact d'une rencontre personnelle avec toi. Et nous nous sommes positionnés, Seigneur, par rapport à cela. Tu nous as dit que c'est le temps de changement. Le changement que tu veux apporter dans nos vies. Tu nous as appris à discerner le temps de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour le travail de la semaine. Je bénis tes servantes qui nous ont parlé. Je bénis toutes celles qui ont travaillé. Je bénis l'Église. Je te recommande le travail qui commence demain. Je te recommande toute l'Église. Que ta grâce se manifeste. Merci Père. Nous te sommes reconnaissants. Maintenant, laisse que ton amour, Jéhovah, soit au milieu de ton peuple. Laisse que la grâce de Jésus-Christ localise chacun de nous. Laisse que la communion du Saint-Esprit nous garde toujours dans ta présence. Je recommande cette semaine entre tes mains. Je recommande la journée entre tes mains. Et je bénis ton peuple. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.